écoute ton parole, ça même c'est plus qu'en parabole. Comme Azovine très charmante, moi pas de supposé si t'as mis en. Bon, le soir, il était très tard, moi t'es chitam, t'as fait guitar. Quand on s'est un esprit dodo, et ça finit comme Tomazo. A la yon bel petit côté, mais oui, monsieur, c'est Tomazo. Si un Jean-Jean va remer, pour ça yo dit, il faut l'accepter. Moi pas vine faire vieillot. Pas mon Tomazo. Tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato.